quoi je parle, toi tu connais ça. C'est comment ils sont dans leur commissariat, c'est comment ils traitent. C'est comment ça se passe avec eux, regarde-moi là en face de toi. Regarde ces cons qui manifestent dans la rue, ça crie qu'on les tire comme des lapins. Viens voir comment ils sortent d'un commissariat au matin. Ouais, y'en a plus coupé leur bavure que de braves mecs qui font leur travail, me rappellent pour avoir. Si tu les augmentes, dis-moi qu'est-ce que ça changera, rien de rien. Toujours les mêmes contents, tu plongeras. Pour moi leur problème c'est le nôtre, il est pas là. Ils veulent mon avis, donc à me ronger, y'en a reste là. J'ai rien à leur dire, au moins je les vois mieux, je me porte. J'ai rien à foutre de leur vie et de leur avenir. Parle-moi de tout mais pas deux, dans ma tête trop de rancune. J'ai trop d'images des embrouilles avec ces véreux. Quand ils me cassaient les couilles pour rien les soirs d'été. Mon père et ma mère me notaient quand ils nous insultaient, ça me reste dans la tête. Mon pote tu crois que j'oublie leur tête d'enculé de facho. Quand ils envoient les mains comme Moby. Quand tu attaches au chauffage que le juge dit qu'on garde avec ses fils de pute en otage. Quand ils te parlent mal et que tu peux rien faire, seul tu peux compter que sur Dieu. Imagine-toi à ma place pour voir comment c'est. En quatre murs avec vous quand ça devient chaud. Normal qu'après dans les rues tu montes la haine. Et t'étonne pas qu'on te traite de sale condé. Rappelle-toi de ma figure quand tu m'as coincé. Sprawler à CRPJ, les gros fachos. De discuter avec vous c'est même pas la peine. Même quand tu fais un effort, c'est même pas leur tenue qui me gêne. Parce que même civil ils méritent. Avec leur tête de cochon, mon frère ils méritent. À tous des saints freins. Ou de passer la nuit en ma place dans cette merde. Parce qu'ils savent pas ce que c'est un entrain. Pour tous les casiers vierges, qu'est-ce qu'ils connaissent dans la rue? Comment tu veux qu'ils me comprennent, me respectent quand j'ai rien connu? Qu'on pourra fondre le cerveau, de près j'y réflexe, qui m'ont direct comme le pavot dans leur tête. Tous conditionnés, cela régale de te rappeler les sursis qui vont t'additionner, ces bâtards. Ils pourraient pas faire leur métier normal en respectant l'histoire des gens, pas comme un animal. La présomption d'innocence à eux ça leur plaît pas. C'est comme les droits de l'homme quand tu leur rappelles leur faux pas. Tout leur abus sur toutes leurs limites. Au serpico, range ton arme, arrête de gimmick. Regarde-toi surtout quand tu as affaire à un jeune. Tu as pas un fils de mon âge à la maison. Et quand tu déjeunes, des fois regarde-toi dans la glace. Imagine-toi à ma place. Imagine-toi à ma place pour voir comment c'est. En quatre murs avec vous quand ça devient chaud. Normal qu'après dans les rues tu montes la haine. Et t'étonne pas qu'on te traite de sale condé. Rappelle-toi de ma figure quand tu m'as coincé. Sprawler à CRPJ, les gros fachos. De discuter avec vous c'est même pas la peine. Même quand tu fais un effort. Sans toi lever chez Wire tous les mêmes. Que déteste tant d'enculé. Tu te prends pour un gros mia quand tu m'as humilié. Tu te sens fort parce qu'à l'école je te raconte pas ce que tu as dû prendre dans la tête avec l'allure que tu as. De m'envoyer en prison et de discuter avec toi, c'est même pas la peine ici. T'as toujours raison, on le sait. Qu'importe la saison, c'est toujours chaud pour nous. Je dépendrai que de toi, on ira au fourneau. Ça se voit dans tes yeux quand je te croise en ville. Au quartier ou même quand tu fais tes courses, tu restes un enculé de civil. Tu es imprégné à vie, tu changes pas. Me la joue pas blanc bleu, celui qui mange pas. De toute façon, jamais cru en vous. Jamais eu besoin de vous, jamais au garde à vous. Dans vos gardes à vue, et comme je t'aime pas, je te l'avoue. Je t'envoie ce texte avec la rancune d'un mec plein de dégâts. Imagine-toi à ma place pour voir comment c'est. En quatre murs avec vous quand ça devient chaud. Normal qu'après dans les rues tu montes la haine. Et t'étonne pas qu'on te traite de sale condé. Rappelle-toi de ma figure quand tu m'as coincé. Sprawler à CRPJ, les gros fachos. De discuter avec vous c'est même pas la peine. Même quand tu fais un effort. C'est Wendy and I am more. Ouais. Meurtrez-moi. C'est pour les condés.